nous sommes ici. Pour l'adorer. Pour l'écouter. Pour les prier, pour les servir, pour lui obéir. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est pour nous un grand privilège. Nous soyons comptés parmi les vivants maintenant. Car ce ne sont pas les morts qui te louent. Là-bas, on se repose. Mais ce sont les vivants qui te louent. Maintenant que nous avons l'occasion de le faire, agréez de notre part la meilleure louange, la meilleure adoration. Et nous t'offrons de tout cœur avec force et avec joie et heureux de le faire. Car si pas nous, qui d'autre va le faire, Seigneur? Agrée-nous près de toi par le sang rédempteur de Jésus-Christ qui purifie tout péché, qui purifie les iniquités, qui nettoie les imperfections. Bénis la réunion ce matin, la prédication de l'évangile, les chants de louange et les prières, toutes les requêtes présentées, agréez-le au nom de Jésus-Christ. Et réponds-nous, Seigneur de l'Église. Réponds-nous de ta main puissante. Réponds-nous de la gratification. Mets l'ennemi en débandade. Mets l'ennemi en débandade. Réponds les sorcelleries. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible maintenant. Tout en souhaitant chacun de vous la bienvenue à la table du Seigneur. Et le bonheur de la maison de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 17. Un livre énigmatique, prophétique. Pourtant, c'est un message de haut niveau. Apocalypse 17, verset 1 à 5. Nous trouvons qu'il est écrit ceci. Et un de sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et s'est dit vain de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Sambo, aye kosolola nanga yeti, yakala, nakotali sayo, ekateli, ekatameli, mwasi monene na pete, oyo avandi na mai mingi, oyo bakonzi na mokili, basali na ye pete, pe, bavandi na mokili, balangwe na vino na pete na ye, atambinga ekati na molimo kuna na lisobe, namoni mwasi avandi na nyama motane, oyo atondi na kombo na kotuka, oyo mpe ajalaki na mito sambo na maseke zomi. Mwasi alati bilamba motane mwindo na motane mondo. Atembi sinzoto na wewe, na mabanga kitoko, na manga liti, pe, ajalaki na kopo, na wolo, na loboko, na ye. Etondaki na bosoto, pe na mbindo, na pite na ye. Na yongi na ye, kombo na bilomba ni ekomami eti. Babele monene, mama na pite, na bosoto, na mokili. Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 5 encore. Après cela, je fis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les habitants de les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nasima na makambo oyo, na mona ki mwange mosusu kokita na likolo, ajalaki na nguya monene mpe mokili engengaki na nkembo na ye. Angangaki na mongongo makasi ete, ekwei, mabele monene, ekwei, esili kokoma efandelo na milimo mabe, na boloko na milimo na mbindo yonso. Na boloko na bandeke yonso na mbindo. Bainani, pote mabota yonso basili komela vino na kongala na pite na ye. Pe bakonzi na mokili basali na ye pite. Pe bato na mombongo na mokili bazwi mosoro mingi pona koikama na mosoro na ye. Na yokaki mombongo mosusu na likolo kolobaka eti. Bino bato na ngai bobima na ye. Ete bosangana na masungu na yete, ete bozwa moko na maloji na ye pete, po ete libongo na masungu na ye likomi kino na likolope, nzambe asili kokanisa misala mabe na ye. Ephésiens chapitre 3, le verset 10 à 16. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Niyebisami epai na mikonzi na nguya kati na bisika na likolo. Oyo ezali mwango na libela oyo eyangani ye kati na Kristo Yesu nkolo na biso. Na ye tozali na molende mpe ekomelo ezangi tembe mpona kondima kati na ye. Bongo nalombi bino ete boyoka mabete mpona boloji boyoki ngai mpona bino. Yango wana ezali nkembo na bino. Pona tina oyo, najali kogumba mabolongo na ngai liboso na tata. Oyo, mabota yonso na likolo mpe na se mazwi kombo wuta na ye. Pela moko najali bozwi na nkembo na ye, ete alendisa nguya katikati na bino na nzela na molimo. Adieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Nous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu merveilleux. le sauveur merveilleux que je possède, que tu possèdes. Que nous possédons, que l'Église possède. Le sauveur merveilleux. Nous avons dit qu'il est le sauveur de l'Église. Il est le sauveur de l'Église et non pas des dénominations. Azali l'Église. La Bible ne dit pas qu'il est le sauveur des dénominations. Il est le sauveur de son Église. Il est venu sauver son Église. Oui, mes chers amis. Ça, il faut pas confondre. Il faut pas être dans les incertitudes. Il est le sauveur de l'Église. Que Dieu soit béni. Christ Jésus, le sauveur de son Église. Et nous aimons ça. N'est-ce pas vrai? Il est le sauveur de tous les hommes, c'est vrai. Mais surtout des croyants. Les hommes qui l'ont rejeté, qui continuent à le rejeter, qui refusent de le recevoir, comment voulez-vous qu'il soit leur sauveur? Le salut n'aura pas d'effet sur eux. Le salut que Christ donne n'aura pas d'impact sur eux. Une bande d'occultistes disent, on ne libère pas l'homme, mais l'homme se libère lui-même. Donc la notion d'un libérateur et d'un sauveur n'existe pas. Des gens de Maïkari. Mais ils croient une histoire comme ça. L'église de Maïkari. Et puis ils disent dans la lumière de la vérité. C'est comme ça qu'ils mettent leur slogan. Dans la lumière de vérité. Mon temo wa kedika. Dans la lumière de la vérité. L'un de leurs chefs était habitué. J'avais été berger pendant un temps dans une de ses maisons. J'étais étudiant chez un frère. À un moment donné. Alors lui venait bénir sa maison. Parce qu'il croit qu'il y a ces lumières mystiques qui se transportent par leur mère. Il est là comme un prêtre. Mupe, lokola sango. Alors, un jour, il est venu faire ces cérémonies-là. Moi, je ne savais pas. J'étais à l'intérieur, je sors pour aller derrière, comme c'est à distance comme ça. Là. Bon, la douche où il y avait là. Alors, pendant qu'il était en train de faire, dès qu'il m'a croisé, il a touché la main. Voilà la sorcellerie. Donc, vous donnez un certain pouvoir inutile. Un monsieur là, il avait construit des appartements et tout. Mais il vient faire des choses. Il était en train de forcher avec sa sorcellerie. Moi, je sors, on se croit. Il fait fermer. Je ne lui ai rien dit. Je ne faisais que passer mon chemin. Il baisse la main. Il grimace. Et puis après, il reprend quoi. Il va faire ses histoires. Pitoyable. Hein? Tous ces gens-là, ce sont des agents de Satan. Agents de ténèbres. Ils ont une fausse lumière. Je dois vous dire que Jésus que nous prêchons est la seule lumière du monde. La seule lumière véritable. Bayana Mutu Bayana Moi, Yahya se vous aura toujours les colons. Et pour bloquer où est Wana. Bayana même une église comme ça. Tu banques quel côté? On ne craint rien, frère. Nous sommes formés à l'école du ciel. D'une formation solide. Dans la foi par sa grâce. Pour faire face à tous les défis. Es-tu peureux? Nous on va au front. Si quelqu'un perd parmi vous qui retourne. Ce qui m'a dit, vous connaissez le banga. Le zonga ne veut pas. kene kufana awa bakombatande. Amen. Soge yindi et yindi. Chacun doit montrer sa foi. Ah, ah, et sa barbe, et sa barbe. Ce qui m'a comme bébé, qu'on a bébé, vous voulez. Ce qui m'a ça, c'est que vous êtes bêta. Ce qui m'a dit, c'est que vous êtes là. Pour Yesu, nous sommes prêts. Oh, pas toi? J'étais. Tu veux le genre d'église là, où tout est facile. Vous voulez que vous allez à péter. Ce matin, nous voulons nous exhorter. À ton moi, le tour de Les unes des plus dangereuses, ils se font appeler église, mais qui ne sont pas du tout église. Voyez, des loges mais qui portent le nom d'église chrétienne. Elles sont plus dangereuses que la maïcarie. C'est la grande confusion. Venez à la lumière de l'heure. Je vous souhaite la bienvenue à la lumière. Que cette lumière vous engendre. Comme le Seigneur a dit, pendant que vous avez la lumière, voyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. J'ai dit que la lumière de Jésus-Christ est la seule véritable. Croyez-vous? Son maître-là de Maïkari, qui était le chef de cette secte-là, c'était lui le numéro un qui enseignait la Maïkari. Vous voyez comment il s'est confondu devant un petit homme qui n'avait rien de spécial. Il était rien de cadre à l'époque un étudiant. Un étudiant qui ne savait même pas enfiler sa chemise. Mais je vous dis vrai. Il y a des photos jusqu'aujourd'hui, des frères quand il était étudiant débutant. Vous me trouverez rarement avec la chemise enfilée. Mais je vous dis ce qu'il y avait. J'étais un frère à l'enseignement. Alors, tellement je n'étais pas du commun de ce que les gens vivaient. Il n'a pas peur. Il tenait toujours des réunions avec mon petit nom dedans. Un jour, une dame camerounaise qui était étudiante là, il a dit non, aujourd'hui ensemble avec Frère David. Et là, crie à mort. Oh non, non, pas lui. On lui dit, mais c'est quoi? Il est un étudiant ici, non? Je ne peux pas échouer. Pourquoi tu ne veux pas échouer? On a nini. Ou non, il peut sortir de là, non? Je ne veux pas me sortir à côté de lui, comme ça dit. Je ne saurais pas. Je vais échouer. Je n'avais rien de spécial, frère. Je n'étais qu'un frère chrétien à l'ancienne mort. Mais les gens s'imaginent toujours des histoires. Frère. Ayez l'amour de Dieu. Ayons l'amour de Dieu. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Chaque jour et pas. Un autre jour, j'étais en train de rentrer à la maison. Il y a un monsieur qui était dans une de ces sectes-là. Il m'a commencé à me suivre. Oh non frère, est-ce que vous ne pouvez pas me donner un peu de votre lumière là? Oui, il était un enseignant dans les sectes là-bas. africain, c'était un enseignant là-bas. Il dit, il y a votre lumière, est-ce que vous ne pouvez pas me donner pas une pratique? J'ai dit, mais quelle lumière? Alors, il y a une lumière. Non, mais il y a une lumière qui est sur vous là. Alors, il y a une lumière qui est trop grande, moi je. Et là, mon aîné, il n'y a pas moyen. Ma côté, il y a 18 heures passées. Wana, Ngonga. J'aimerais avoir un peu de votre lumière. Alors, vous ne savez pas compris. C'est de nous. Moi, je n'ai pas d'autre lumière que l'évangile de Dieu. Si vous voulez recevoir, recevez l'évangile. Alors, parce que ce n'est pas entendu, il est allé voir un frère qui était proche de moi. Oh non, j'ai appris que vous priez avec ce type-là. Mais il a le niveau de maître. Hein? Il vient dans notre milieu, c'est un grand maître. J'ai dit au frère, mais il vous ment. La Bible dit que toute parole d'homme est un mensonge. Moi, je ne suis pas un maître, je suis croyant de Jésus-Christ. Le seul maître que je connais, c'est Jésus-Christ. Mais je lui ai dit. Il vient même une fois. Il va voir les honneurs qu'on va lui donner chez nous. Vous allez perdre votre temps, écouter des aventuriers. Ne perdons pas le temps à parler de ces histoires. Je vous dis que Jésus-Christ est la seule lumière du monde. Ne doutez pas de ce que vous avez. Il y en a qui dans l'église pour dire Amen. Amen. Ne doutez pas de ce que vous avez. Soyez certains de Dieu. Le Dieu que nous croyons, il est le suprême. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il n'y a rien, mes amis. Il est le suprême. Et il est le chef suprême de son église. J'aimerais que ton cœur dise Amen à la vérité. Oui, oui, oui. Mettons-nous vraiment d'accord là-bas. Yokana Awa. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Verset 23, nous relisons ici. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Les sauveurs de l'église, on l'a dit tantôt, on l'a répété ici. Voilà. Ici, dans Ephésiens 1, le verset 22, il a tout mis sous ses pieds. C'est vrai. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Jésus-Christ est le chef suprême de l'église. Et tout est mis sous ses pieds. Que cela soit clair pour chacun. Dans Colossiens 2, au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Lui, Jésus-Christ, il est le chef de toute domination. et de toute autorité. C'est celui que vous avez. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Ne doutez pas de la puissance que Dieu vous a donnée. Ne doutez pas de l'évangile que Dieu vous a donné. Ne doutez pas du message divin que Dieu vous a confié. Parce que quand lui, il y a tout. Dans cette parole, il y a tout. Car c'est par elle que tout a été créé. Tu verras aussi la gloire de Dieu. Mon cher ami, mon frère, ma soeur, si tu peux croire, s'il te plaît, tu verras toi aussi la gloire de Dieu. Nous parlons de faits vrais. Des choses réelles que notre Dieu possède, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Il a son église et c'est son église. Vous l'avez entendu, il n'a qu'une seule église. Jeudi, on est revenu chez vous. Vendredi, on a flashé un peu là-dessus. Le Seigneur n'a qu'une seule église. Dans Matthieu chapitre 16, Matayi, il n'a pas évoqué plusieurs églises, mais une seule. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Raite na koloba na yo ete ozali petelo pe na libanga oyo na kotonga lingomba na ngai. Êtes-vous là? Il n'a évoqué qu'une seule église. Et dans Ephésiens 3 que nous avons lu pour introduire la prédication, nous y revenons maintenant. Versets 10 à 16. C'est pourquoi les dominations et les autorités dont Christ est le chef, vous savez. Il est le chef suprême, incontesté et incontestable. Tout ce qui exerce la domination ténébreuse, Christ. Et nous, l'Église, nous sommes ses sujets, les sujets de son royaume. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes là-bas, les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Attention, pas par les dénominations. Non pas par les religions organisées. Non pas par les loges de cette terre. Mais c'est par l'unique et véritable Église. Dieu en possède une. Au moment où je vous parle ici, elle existe. C'est par cette Église-là que les autorités et les dominations dans le monde invisible connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église qui est le corps de Christ. Et donc Christ est le chef suprême. C'est par cette unique Église-là, les autorités et les dominations qui domine et donne du pouvoir pour dominer les autres. Le pouvoir temporel, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir administratif de consort. Toutes ces petites sectes, ces confréries qui prétendent donner une certaine partie du pouvoir aux individus au sein de la terre. Il y a Christ et Jésus au-dessus de tous. Il y a Christ et Jésus au-dessus de tous. Et ce Christ et Jésus-là est le chef suprême de l'Église. Et cette Église, c'est son corps à lui. Jusqu'à présent, cette Église existe. Et les portes du séjour des morts, malgré les combats et les batailles, n'auront pas la victoire finale sur l'Église. N'auront pas de pouvoir supérieur à l'Église. Non, non, non et non. Aucune de ces loges. Mon côté na bandako wana. Aucun de ces clubs là. Mon côté na itonga batwana. Ne peut détenir un pouvoir supérieur au pouvoir que l'Église détient. J'aimerais que vous compreniez ces choses. Et que même si je n'étais pas là, tu ne doutes jamais de ce que Dieu t'a confié par l'Évangile. Ne doute pas de ce que Dieu a placé en toi. Êtes-vous là? Vous allez là? Nous sommes ici pour votre édification. Vous allez avoir pour la cotonnamanabino. C'est par l'Église que tout cela connaît. Et d'aller dans l'Église, dans des bavons, dans notre pays. Gardez la page d'Ephésiens 3, nous allons à Ephésiens 6. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'invite aux alliés que Makila pete kasi na bifika na lokumu pe na nguya pe na mikondi oyo na molili pe na milimo mabe kati na likolo. Notre bataille est rangée. Et tumba na biso ezali na ngambo ezali kosalema. Nous combattons consciemment et sérieusement. Nous allons kobunda na yongi pe na lisoso le malamu. Nous combattons constamment. Nous allons kobunda tango nyoso. C'est pas à nous battre contre des lèvres. Ils été kobunda kana mon pépé. C'est pas en faisant un combat fictif imaginaire. Mais nous avons en face de nous des pesanteurs réels. Na ngambo na biso tozali na kobenda mawasolo penza. Des forces adversaires. Wana tozali na bokasi oya monguna wakotelemela. Ce sont les dominations. Tozali ba bokonti. Des autorités mystiques. Makonti tozali komona na miso boyeke. Des esprits méchants. Milimo ya kanza. Vraiment méchants. Ya kanza penza ya solo. Des esprits méchants et cruels. Milimo ya kanza oya koboma. Elles sont en face de nous. Il a l'angabo la biso. Toutes ces forces-là rangées. Au continuant, soit on a eu sangani et longo l'angabo moko. Même des princes. Atami kondi. Ceux qui sont princes dans le monde. Atami kondi, wazali, bapondi, kuna na mokila molili. Qui sont des héritiers, hein, potentiels au trône. Bakitani, ouya kolobaka boye na ngwende. Pour ceux qui exercent les dominations au temps présent. Bah, wazali kosala bokondi na sasa ipi. Quand celui-là ne sera plus, c'est l'autre qui prendra le bâton. Ouya kolongwa, mosusa kozwa kotambwisa. Les principautés. Wana, bokondi wana. Dans le monde invisible. Na mokili zali komona na te. Sont des forces adversaires. Yango zali bakasi ouya banguna. Contre lesquels nous combattons consciemment. Et constamment. Et pendant que je vous parle, je suis au front. Mes chers amis, ne somnolez pas. Nous sommes en bataille. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus l'a dit. Et il nous a établi pour ça. Pour confirmer sa parole. Pour témoigner que le vrai. Pour répandre la lumière de sa victoire. Êtes-vous là? Vous allez voir là. Alors les dominations. Et les autorités mystiques. Aujourd'hui par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse cachée et mystérieuse. Que les intellectuels et les théologiens ne connaissent pas. Parce que ça leur est caché. Vous ne l'apprenez pas dans les séminaires de théologie. Dans l'église froide là. Ils n'ont pas accès à cette sagesse. La sagesse cachée que Paul prêchait. La sagesse cachée qui a été restaurée par le ministère d'Élie le prophète. Cette sagesse infiniment variée. Contenue dans les sept sceaux. Qui est prédestinée pour les élus. Qui fait long jusque dans l'enlèvement. Cette sagesse-là, les loges de la terre n'y ont pas accès. Il y a des lois pour accéder à ça. Dieu est bon pour ton âme. Et tu peux chanter avec zèle. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, Père des hommes, et vous, bétail de champs, louez-le car il est bon. Tu inviteras les créatures à les louer. Parce que tu sais, il est réellement bon. Et pour ton âme, il est effectivement bon. Chaque jour à tout instant, il est vraiment bon. Et de sa bonté, tu te nourris. Et sa bonté, tu subsistes. Et dans sa bonté, tu vaincras tout. Les autorités et les dominations connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. Quand nous la proclamons, ils en apprennent un peu quelque chose, mais sans accéder à la révélation. Ils auront le mot, mais pas le sens. Ils auront les phrases, mais pas la vie qui est dans ces phrases. Car cette vie-là est cachée avec Christ en Dieu. Vous devez vous repentir, vous convertir, croire l'Évangile, mettre de nouveau pour accéder à cette vie-là. Que celui qui aime l'Évangile dise amen. Oui, alléluia, ça va mal, mais le bongo. Amen. Y a un des colloques aux foi intellectualité. Senga emoniseli. Nzambe afongole la yo. Ajipole la yo ma bombe amenaye. Alors, les forces des ténèbres viendront en apprendre. Voilà. Mais ils n'auront que le mot, mais pas le sens du mot. Ils n'auront que des phrases, mais pas la vie de ces phrases. Et Dieu a tenu sa secret pour toi. Il a tenu la révélation, celle cachée par l'Esprit. Comme il est bon. Alors, on reprend dans Ephésiens 3. Verset 10, je disais, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Yango ete na nzela na lingomba motindo na motindo na boyebi na nzambe yebani epai na mikondi mpe nguya kati na bisika na likolo. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En t'approchant de Dieu, n'aie pas de doute, mon ami. N'aie aucune hésitation. Le Dieu dont nous vous parlons, c'est le Créateur de l'univers. Le Dieu que nous adorons à cet endroit, c'est le Créateur de l'univers. C'est le propriétaire de tout l'univers. Ne doute pas. Ne te dis pas peut-être que ce n'est pas le cas. Non. C'est faux de penser comme ça. C'est vraiment le cas. Il est le possesseur de tout l'univers. Approche-toi de lui avec confiance. Sens-toi libre de le faire. La parole dit qu'en lui nous avons cette liberté. Par la foi en lui, nous avons la pleine liberté. Nous allons approcher de Dieu avec confiance. Ne redoute rien. Aucune méchanceté de la part de Dieu contre toi. Il n'y a aucune malveillance de la part de Dieu contre ta personne. Aie confiance. C'est là mon thème. Que Dieu est pour toi. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Ça, je vous le demande à vous aussi qui écoutez les paroles. Là, ne mettez pas un instant que le courage s'en aille. Que votre courage s'évanouit. Non. Ayez plutôt plein courage et pas courage. Il est omniprésent. Je vous demande de ne pas perdre courage. Advienne que pourra. Quel que soit ce qui se produit, quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qui arrive, ne perdez pas courage. À cause des afflictions que j'endure pour vous. Mais elles sont votre gloire. Et à cause de cela même, je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Amen. Oyo mabota yonso na likolo pe na se mazwi kombo uta na ye. Donc si y a un nom à trouver à moi, il y a un kombo à kokuta à ce nom doit être tiré du Père. Kombo à l'enseignele uta, ezwa mauta na tata. Va provenir du Père. Enseignele uta na tata. Toute famille dans les cieux sur la terre. Mabota avanso na lola se mabele. Son nom de là. Basengele va benda kombo na bango uta na ye. Ah, le nom d'éternité de Dieu. Kombo ya zala zala ya Nzambe. Communiqué à Moïse le prophète. Ya pesa ki Mose mosakoli. C'est de là que tout nom doit venir. Ezali wana nde ba kombo banso basengele ba uta. Toute famille doit porter son nom, justifier son nom à partir de là. Basengele basengele bandi misa kombo na bango uta na kuna. Dans les cieux et sur la terre. Na lola toute famille. Mabota manso. Et nous devons être fiers de ce nom. Basengele toyoka malamu kona kombo wana. Que ce soit l'unique nom. Le nom de notre Seigneur. Le nom de notre Père. Et aussi le nom de son Fils. Et c'est le nom de son Esprit. Et Dieu nous l'a fait connaître par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce nom-là, regardez comment c'est dit ici dans Jean chapitre 17. Le seul nom. Jean 17:6. Et puis le verset 11. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Le Seigneur Jésus dit qu'il l'a fait connaître cela. Il l'a fait connaître à ces hommes que Dieu le Père a donné au Fils. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ngai na jali de sous kati na mokili te nde bango ba jali kati na mokili. Kasi ngai na jali kuya epai na yo, tata na bule. Batela bango kati na kombo na yo, ba oyo esili yo kopesa ngai, ete ba jala moko, te la moko ejali biso. Le nom du Père, c'est le nom que le Père a donné à son Fils. Kombo ya tata, ezali kombo tata esili kopesa na mwana. C'est textuellement le même nom. Ezali penza bobele kombo moko wana. Le nom que le Père a eu à donner à son Fils là, kombo tata c'est ça le nom du Père. Yango wana nde kombo ya tata. Et c'est du nom du Père que toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Et toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. À partir du nom du Père, cela veut dire que toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom à partir du nom que le Père a donné au Fils. Et quel est le nom que le Père a donné au Fils? Yeshua! Yahshua. Amen. C'est Yahshua ce nom. Yahshua ndo kombo wana. Jésus. Yesu. C'est ça le nom du Fils. Yango wana kombo ya mwana. L'ange est venu dire à Marie. Moi j'ai kolobela Maria. Tu enfanteras un fils. Okobota mwana moko. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa ye kombo ya Yesu. Yahshua. Et Joseph, le fiancé de Marie, Joseph, mère, à Maria Mongondo, a reçu une révélation de même type. Ayambaki moni fela lolenge moko. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Maria moi, yo. Car ce qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils akobota mwana moko. Auquel elle donnera le nom de Yahshua. Yahshua. Et par là s'accompliront les paroles du prophète Isaïe. Voici une vierge deviendra enceinte. L'enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu parmi nous. C'est bon là? C'est ça le don. Et c'est du nom de Jésus Christ que toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. Toute famille. Alors frère Branham dans le sermon l'adoption et nous dit toute famille dans les cieux s'appelle Jésus. Amen. Et toute famille sur la terre s'appelle Jésus. Vous comprenez pourquoi? À cause de ces passages que nous venons de lire. Lui, quand il commente Ephésiens 3, que nous étions en train de commenter aussi ici, il dit que toute famille dans les cieux s'appelle Jésus. Et toute famille sur la terre s'appelle aussi Jésus. Pas Branham, mais Jésus. Toute famille dans les cieux s'appelle Jésus. Toute famille sur la terre s'appelle Jésus. N'est-ce pas vrai? Il n'a pas dit que toute famille dans les cieux s'appelle Branham. Toute famille sur la terre s'appelle Branham. Ça, ça n'est pas dans les bandes que vous aimez bien. Les bandes disent que toute famille dans les cieux s'appelle Jésus. Répétez ce que disent les bandes. Toute famille sur la terre s'appelle Jésus. Et ça se conforme à l'évangile que Paul avait prêché en son nom. Il est rétabli maintenant. Et Paul a dit qu'il fléchit les genoux devant le Père. De qui? Verset 15. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Tire son nom de ce nom. Jésus-Christ. Comment s'appelle Dieu le Père? Comment s'appelle le Fils de Dieu? Le nom du Père, c'est le nom que le Père a donné au Fils. C'est le même nom. C'est ainsi que le prophète nous dit. Les Juifs étaient souvent embrouillés, parce que tantôt ils parlaient comme père, tantôt ils parlaient comme fils, mais ils n'arrivaient pas à saisir son langage. Au fait, en lui, il y avait les deux, le père et le fils, Jésus le père et Jésus le fils. Quand Jésus le père parlait, c'est lui qui dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Et quand Jésus le fils parlait, c'est cela qu'il dit, que le Père est plus grand que moi. Mais les deux, et le Père et le Fils s'appellent du même nom, Jésus. Jésus le Père. Jésus tata. Et Jésus le Fils. Jean 5, verset 43. Je suis venu dans le nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vit en son propre nom, voilà, vous le recevrez. Lui, Jésus n'est pas venu avec son propre nom. Il soit différent du nom de son Père. Lui, il est venu dans le nom de son Père. Dans le nom de son Père. Recevez-les comme ça. Donc, le nom que le Fils avait, c'est ça le nom du Père. N'est-ce pas que chaque enfant qui naît dans une famille porte le nom des familles de son père? Vous suivez ça, non? Humainement parlant. Vos enfants portent vos noms. Mais même dans l'intitulé, la formulation de leur nom, il y a une partie du nom du père généralement. Bon, s'il y a quelques petites exceptions, il ne faut pas nous en vouloir pour ça. La tendance majoritaire, c'est ça. Le nom du père se trouve dans le nom du fils. Je ne vais pas multiplier les exemples là-bas. Comprenez maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son nom qui doit être vanté. Toute langue doit confesser ce nom-là. On a connu que c'est le programme de Dieu pour les humains. Toute langue doit confesser ce nom-là. On a connu que dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, pas un autre. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est que nous voyons ça, il y a un mot que Jésus-Christ est un colo pour un kembo dans un bétata. Voilà l'absolue vérité que nous croyons. Voilà la parole qui demeure éternellement. Voilà la vérité qui ne changera jamais. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alors toute famille dans les cieux et sur la terre s'appelle Jésus-Christ. Vous aussi vous devez porter son nom. Mais les églises sont devenues des loges qui ont envié une multitude de noms. Et tous ces noms n'ont servi qu'à confirmer une grande confusion religieuse. Allons maintenant dans Apocalypse 17. Apocalypse 17. Voyez ce qui était écrit là. Oui, versets 1 à 5 que nous avons lu. Oui, un de ces anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il y a ici une grande prostituée. Ah ouais, pas une petite. Elle n'est pas à minimiser. Elle est une grande prostituée. Grand Numba. C'est pas que tu vas prendre ça légère. Oh non mais, vous voulez. C'est très grave. C'est une grande prostituée. Professionnel comme toi. Expérimenté, je vous dis. Il a de l'expertise en la matière de prostituée. Une grande prostituée. Donc dans la prophétie, une femme qui représente une église. Ou un regroupement religieux. On est entré dans l'église une ici. Il n'est pas de moindre, mais qui est grand. Elle n'est pas minimisable, elle est grande. Faites attention. La Bible dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est avec elle, cette grande prostituée là. Oyo, va continuer mon kili, va sali na ye pité. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est va fondre na mon kili, va langue na vigne na pité na ye. Alors, elle n'est pas minimisable, hein. Elle est grandiose. Elle ne va pas se tirer d'affaire jusqu'au bout. Il y a un plus grand qu'elle. Le nom de Jésus est le nom qui est plus élevé que tout le monde. Notre Jésus est le chef suprême. Et toutes les dominations et les autorités. Les principautés et les esprits méchants. Jésus est supérieur. Il est Amen. Elle est grande, on ne va pas sous-estimer. Mais Jésus, elle est tout puissant. Jésus, elle est infiniment grand. Infiniment grand. Et il a une sagesse infiniment variée. Les habitants de la terre se sont enivrés. Quelle femme! Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. La bête dans la prophétie représente une puissance. Un règne, un royaume. Mais il y a une femme qui est assise dessus. Elle en dit, pleine d'un nom de blasphème. Et ayant sept têtes et 10 cornes. Akambingai kati na mulimo kuna na lisobe. Na moni mwasi avandi na nyama monene. Oyo atondi na kombo na kotuka. Oyo mpe ajalaki na mito sambo na maseke zomi. Nous nous arrêtons un moment sur cette expression pleine de noms de blasphème. Le nom de blasphème. Le nom de blasphème. Ou de nom insultant pour Dieu. Si on peut prendre ça comme ça. Le nom de blasphème. De nom qui insulte Dieu. Mais cette femme-là en est pleine, semble-t-il. Et si on prend les différentes traductions de cela. De ce verset 3 à cet endroit. Oui, dans le français courant, on a dit, j'ai vu là une femme assise sur une bête rouge écarlate, qui était couverte de noms insultants pour Dieu. Et cette bête avait cette tête et 10 cornes. Donc quand vous voyez la traduction, donc c'est plutôt la personne de Dieu qui est ici. Pour être profané et insulté. Parlez-nous en question. Mais attention. Un prophète est un révélateur de la parole. Vous allez voir que c'est pas vraiment le nom de Dieu lui-même qui est visé. Ils allaient vous bénir penza comme on a dit mais mon co il y a un autre cas qui va aller côté là. C'est une autre nuance. Ils allaient que l'on ait monsieur à commander là. Qu'il nous faut prendre par la grâce. Et c'est la vision que vous allez en entendre. Ici dans la parole de vie. Ah ouais quand nous avons bonsoir. C'est traduit comme ceci. Angoulême pour la mélodie. Alors je vois une femme assise sur une bête rouge. Et cette bête a sept têtes et 10 cornes. Et elle est couverte de noms qui insultent Dieu. Vous voyez, la personne de Dieu qui est visée en parlant de blasphème. Et quelle idée? Mais en même temps, dans la traduction du semeur, j'ai vu une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu. Donc, en parlant des titres offensants pour Dieu, vous voyez plus de Dieu, mais l'Église n'apparaît pas. Vous ne voyez pas de l'Église. Mais offensant pour Dieu, c'est comme la personne de Dieu, qui doit être insulté par Dieu. Il avait cette tête et 10 cornes. Ben, si je vous prends l'une des traductions les plus maudites, mais qui ici va agréablement surprendre, la Bible de Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Traduite par les catholiques eux-mêmes. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta au désert en esprit. Et je vis une femme. assise sur une bête écarlate, tu vas bien, couverte de titres blasphématoires. Des titres blasphématoires. Et pourtant cette tête est dit comme. Il y a une différence entre le nom de blasphème et le nom blasphématoire. Le nom de blasphème vise la personne de Dieu. Et si vous vous mettrez à chercher un tel regroupement qui porte le nom qui insulte Dieu, vous risquez de ne jamais en trouver. Et de conclure que Jean là dans l'Apocalypse, il avait mangé beaucoup de piments. Il a parlé de certaines choses qui n'existent pas. Or ce n'est pas ça. Mais en parlant de nom blasphématoire, le mot blasphématoire, c'est un peu un nom qui dévie d'un nom consacré pour l'usage. Donc, il y a un mot sacré qu'on devrait utiliser pour, par exemple, désigner pasteur. Et vous vous mettez à l'appeler pasteur. Donc, le mot pasteur est blasphématoire contre le mot pasteur. Le mot pasteur n'est pas conforme au mot consacré pour désigner le berger d'une église. C'est une déformation. C'est un peu insultant contre le mot approprié. Je prends un autre. Président de la République. Mais vous l'appelez Préso. Mais le mot consacré, c'est président. Vous venez changer cela en Préso. Le mot Préso est blasphématoire contre le mot consacré président. Hein, mon frère Serge Mbelo là-bas derrière, il s'appelle Serge. Son prénom c'est Serge. Mais quand vous venez l'appeler Dino, c'est blasphématoire contre son vrai prénom. Mon fils ici s'appelle Joseph. C'est le prénom que moi son père je lui ai donné. Quand vous venez l'appeler Jojo, ça c'est blasphématoire contre le prénom consacré que moi je lui avais donné. Et il est dans les documents. Continuez des exemples. Oh, qu'on dise Jojo, ça n'insulte pas Dieu. Quand on dit Dino, ça ne touche pas la personne de Dieu. N'est-ce pas? Mais là, ça touche le nom d'une personne et l'usage consacré à ce nom. Il y a donc une différence entre un nom blasphématoire et un nom de blasphème. Mais cette grande prostituée était pleine des noms de quoi? De blasphème ou blasphématoire? Là, il faut voir. Parce que si nous nous mettons à chercher le nom de blasphème, dans les milieux religieux, il n'y en a pas. Tout le monde prend un nom agréable et un nom flatteur. Il y a quelque chose de joli. C'est ça le problème. Concernant la personne de Dieu, on ne touche pas. Mais ce sont les noms blasphématoires. Et ces noms blasphématoires, c'est par rapport au titre que le Seigneur a utilisé pour désigner son groupe à lui, le mot église. Mais maintenant que c'est un nom consacré, pour les groupes uniques du Seigneur, on en a maintenant plusieurs noms divers qui se rapportent à ça. Église Baptiste, Église Baptiste, Église Kimbangiste, ou la Kimbangiste, Église Protestante, ou la Télémélie, Église ceci, ou mais le Seigneur avait-il dit, je bâtirai mon église protestante? Mais nous, nous avons des noms ajoutés à ça. Ce sont des noms blasphématoires. Amen. Qui brouillent la piste de l'identité du véritable peuple du Seigneur. Quand on va la chercher, on se trouve en pleine confusion. Est-ce les catholiques qui sont l'église, ou les baptistes, ou les méthodistes, ou les pentecôtistes, mes chers amis, dans la prédication intitulée les noms blasphématoires. Rabbanam nous dit ceci. Dans, à partir du paragraphe 574, je lis à partir de là. Jusqu'à 179. 174, deuxième partie. Jusqu'à 179. Eh bien, dans la version du roi Jacques, il est dit, plein de noms de blasphèmes. Juste un moment, je le prendrai ici dans une minute. Et la version du roi Jacques, c'est une des versions les plus répandues en anglais, dans la Bible en anglais. Et on l'appelle King James Version. Parce que les théologiens de cette époque avaient bien voulu traduire pour le roi d'Angleterre, le roi de l'Empire britannique. Hein. C'est comme la reine qui vient de mourir là. Donc l'un de ses successeurs d'autre époque là. Le roi d'Angleterre. Alors on est allé traduire une Bible pour lui parce qu'il était converti. Il s'était converti à la religion chrétienne. On devait mettre les mots qui lui permettent lui aussi de lire en anglais. La Bible, le Nouveau Testament était écrit en grec, l'Ancien Testament en grec. Alors il fallait maintenant traduire ça en anglais. Et ils sont allés utiliser la traduction latine qui existait, la Vulgate, pour en offrir au roi d'Angleterre. Pour lui permettre de lire la Bible. Alors c'est resté une des versions les plus répandues en anglais. Donc comme on a dit, dans la version du roi Jacques, il est dit, Apocalypse 3, plein de noms de blasphème. Et beaucoup de ces versions, mais beaucoup de ces versions que nous avons en français ont été traduites à partir de cette version du roi Jacques. Roi Jacques traduit à partir du latin. Le latin traduit à partir du grec et de l'hébreu. Or, traduire, on dit un adage, traduire c'est trahir. La pensée originale se perd complètement. Vous voyez ça? Plein de noms de blasphèmes. La version du roi Jacques. Justement, je le prendrai ici dans une minute. Et il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Écoutez maintenant, au paragraphe 175, je l'ai déjà énuméré, ne notez plus, c'est 174 à 179, c'est la façon dont l'anglais l'a saisi. Mais le grec original, du diaglotte, C'est lit comme ceci dans Apocalypse 17, verset 3. Maintenant, écoutez. Et il me conduit en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Pleine de noms blasphématoires. Non pas les noms de blasphèmes, mais des noms blasphématoires. Voulez-vous accéder au secret? Vous avez dit que pour t'accord, tu vas s'écrire au nom. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Qu'est-ce que c'est? Et nous maintenant, elle était une mère de prostituée. Nous savons tous cela. C'est juste. Cela surprendrait l'église catholique romaine. Mais elle est pleine de noms blasphématoires. Cela surprendrait l'église catholique romaine. Mais là, l'église catholique romaine, elle est pleine de noms blasphématoires. Et Dieu a permis que l'une des mauvaises traductions de la Bible que nous avons, elle dont les catholiques sont les grands propriétaires, la Bible de Jérusalem, Dieu permet que là-bas, arrivé sur ce verset, il utilise le mot approprié. Elle était pleine de titres blasphématoires. Oh, ça se rapporte à eux-mêmes. Mais ça les surprendrait. Ça se rapporte à eux-mêmes. Ils sont pleins. Comme la sagesse de Dieu est infiniment variée. Ils entrent dans leur propre traduction française. Là où ils ont massacré la vérité ici et là, ils sont là. Mais au verset qui se rapporte à eux, ils trouvent les mots appropriés pour se dévoiler. Ils se dévoilent sans le savoir. C'est pour les aigles que Dieu fait ça. Sagesse infiniment variée. Cela surprendrait l'église catholique romaine. Mais elle est pleine de noms blasphématoires. Quels sont ces noms-là? Deux points. Méthodiste. C'est un nom blasphématoire contre l'église de Dieu. Qui dit amen? Amen. Aussi ces noms-là. Blasphématoire. Méthodiste. Ça ne touche à rien la personne de Dieu. Mais ça porte atteinte à la réputation de l'église de Dieu. Baptiste. Blasphématoire toujours. Presbytérien. Blasphématoire. Luthérien. Blasphématoire. Et tous. Et Bangobanso. Les noms du même genre là. Bakumba le lengue moko. C'était même branamiste. Boutiata, Batoué Branam. Toujours blasphématoire. Vous allez combo ya Kotukaka. C'est 10 ans des églises de Dieu. Comme il oubila kaïte, vous allez. Un nom blasphématoire. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Elle se dit l'église de Dieu et se représente au monde et ayant les parties de cartes. Mais elle se dit l'église de Dieu. Quand il se présente au monde, autorisant et jouant le jeu des cartes. Est-ce que l'église unique du Seigneur peut-elle faire ça? Et vivant. Quoi? L'eau? Maï. Hein? Maï. Est-ce que l'église du Dieu vivant? Église. Comme un pasteur de 68 ans qui est allé se marier, je ne sais pas, pour la 13e fois avec une jeune fille de 20 ans Et pendant la fête de mariage, on distribue des boissons alcooliques. Tout librement là. Et quel est le nom qu'il donne à son église? L'église primitive de Yeshua HaMashiach. Voilà comment on est en train d'insulter l'église. Et par la vie, et par les noms, et tout. Ça c'est pour discréditer la réputation de l'église.